question c'est dédiée à tous ceux qui ont été jugés trop rapidement. C'est le speed du rappeur, dit dur à cuire. Va leur dire que je suis fragile et que j'ai des démons à fuir. Et si personne n'a d'oreille attentive ni de sentiments, on rachète une miette de bonheur pour quelques centimes. Un centimètre carré de ciel bleu pour une âme enneigée. Qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir le cœur léger? Oubliez-moi deux minutes que je vive loin de ces mauvaises langues. Car le long de ces chemins nauséeux, mes jambes sont trop exsangues. C'est ça incriminé, un destin dessiné, un stylo obsolète, un cœur froid ou calciné. Mais je suis déterminé, tu peux pas t'imaginer. Ma vie est un film, mais qui a blindé le ciné. Car je me sens dévisagé, je voudrais être quelqu'un d'autre. Autre part, nulle part, à qui la faute? Les jours défilent et je vis toujours dans ce tribunal. On me juge sans me connaître et je me tue à creuser ce tunnel. Des fois je me dis que l'autre n'a pas que mes problèmes. Qu'il n'y a qu'à moi que le quotidien donne ce visage problème. L'amour me suit puis quand je me retourne, toujours me fuit. Le temps se fait lourd depuis que ma vie est un jour de pluie. J'aurais voulu être quelqu'un d'autre. J'aurais voulu que ce soit quelque chose d'autre. J'aurais voulu être autre part que dans ce prétoire. Nulle part. J'aurais voulu être quelqu'un d'autre. J'aurais voulu que ce soit quelque chose d'autre. J'aurais voulu être autre part que dans ce prétoire. Nulle part. J'ai cette vieille blessure au cœur qui n'a pas fini de saigner. J'ai ce vieux goût de vomi qui n'arrête pas de régner. J'ai l'angoisse tranchante ponctuée de ma mère. Un bonheur éphémère et des journées frustrantes. Chaque matin je commence la boucle d'un avenir plutôt courbé. Je trace mon chemin au combat sur ce banc de bois d'accusés. Où depuis tout petit on m'a soudé. Au nom des règles j'ai entravé. Au nom de leur traité que j'ai pas signé. Au nom de cette vie dérobée. Être ou ne pas être pour moi ils se posent même pas la question. Mes droits sont seulement sur papier. Mes actes sont imprimés. Quand j'enfreins l'interdit non écrit leur tu meurs pris par une masse sans avis, avide de prix. Quand leur vie brille, leurs emmerdes me titillent. Le tonnerre s'abat sur la ville, le sang sort de mes veines. Quand le poison de la haine s'infile dans ma chair, fraîchement étalée comme cette viande appariée sur le bas-côté de la chaussée, abandonnée des rondes. Cette odeur nauséabonde, délicatement vagabonde, au plus profond du flair et remonte l'air d'une vomissure. Bien incrustée par le temps au niveau de cette jointure qui sépare deux peuples, donc deux différents mondes. J'aurais voulu être quelqu'un d'autre. J'aurais voulu que ce soit quelque chose d'autre. J'aurais voulu être autre part que dans ce prétoire. Nulle part. J'aurais voulu être quelqu'un d'autre. J'aurais voulu que ce soit quelque chose d'autre. J'aurais voulu être autre part que dans ce prétoire. Nulle part. Laisse-moi le mic, le microphone et l'instru juste un instant. Histoire de marquer la mesure, de laisser ma trace sur ces quelques temps. Si la zique était un éclat, je l'appellerais mon soleil. Elle m'a permis de tenir alors que j'étais entouré de haine. Ces gens qui m'ont condamné sans même chercher à me comprendre. Ils n'ont pas pensé que de moi, ils pouvaient encore apprendre à échanger plutôt que de connaître les meilleures façons de se venger. J'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai crié. Et à présent je retranscris ces regards qui m'ont filé et ces critiques qui m'ont blessé. De ce filet j'ai tant cherché et espéré la sortie, mais maintenant c'est fini. Le mépris a disparu et la vie continue. Je me disais souvent que les autres n'avaient pas tous mes problèmes. Mais c'était sans savoir que dans le cœur des hommes, y'a pas que l'amour qui règne. J'improvise ma destinée tant que la joie est en surface. Ainsi je m'efforce de raconter et de laisser ma trace. D'ailleurs je le dirai finalement pour mes sauts et les autres. Qu'à présent il est temps, alors arrêtons s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtez, arrêtez, arrêtez. J'aurais voulu être quelqu'un d'autre. J'aurais voulu soit quelque chose d'autre. J'aurais voulu être autre part que dans ce prétoire. Nulle part. J'aurais voulu être quelqu'un d'autre. J'aurais voulu que ce soit quelque chose d'autre. J'aurais voulu être autre part que dans ce prétoire. Nulle part. Marche arrière sur cette fenêtre ouverte sur le déclin du jour d'où on a vu naître le feu pour toujours. Jour de grève pour l'amour, jour de saigne pour le cœur, jour de paix pour l'état, jour de frais pour tes fonds, jour de deuil pour les bons. Les cryptos autour du cou comme cette corde condamnée, des hanches dans cette ville vannée comme ces chiens en regard troublé. La rude lutte imprimée sur les gorges d'une vie expirée, un bref souffle aspiré par le souffle d'une mine désaffectée. Écrit sur le sable, ce destin s'est effacé par ces ondes adoucies, la mer l'a emporté, le vent s'est calmé, la tempête s'en est allée, la rage s'est rongée et la mort l'a récoltée.